Lorsqu'un grand bateau coule, les rats s'en vont, les premiers. Avec le temps qui s'écoule, l'amour aussi part en premier. Qui de nous partira bientôt, et laquelle restera brisée? L'amour ne fait pas de héros, que des mal-aimés. Victime éteinte et incrédule, le vieux pantin désarticulé. Celui qui reste ridicule aux yeux de l'amour envolé. Celui qui part n'est qu'un enfant, les yeux gonflés d'avenir. Celui qui part n'est pas méchant, il n'a pas envie de rire. Ni non plus envie de pleurer, juste un peu de mélancolie. Il se sent en qu'il osait au coin des yeux lorsqu'il sourit. Il a besoin de se mouvoir, il lui faut éprouver sa force. Il a besoin surtout de savoir où en est l'arbre sous l'écorce. Il est parti, il a voulu, le malheur qu'il fuit l'indiffère. Il abandonne un air connu pour une mélodie à faire. Ce qu'il a laissé sous son pas n'est même pas l'ombre d'un remords. Chacun ne pleure que sur soi, après l'amour, avant la mort. Ce qu'il a laissé sous son pas n'est même pas l'ombre d'un remords. Chacun ne pleure que sur soi, après l'amour, avant la mort.